Bienvenue à Mélomanes sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ FM ou encore en direct sur CFNJ.net de partout dans le monde. Mathieu Lajoie au micro en ce 30 septembre 2020. Content de vous savoir au rendez-vous ce soir parce que c'est une soirée bien spéciale. Ceux qui sont membres du groupe Facebook Mélomanes, ben vous le savez déjà. Et ceux qui ne sont pas, ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ça coûte rien. Puis c'est du contenu musical toute la semaine. Une communauté de mélomanes, évidemment. Mais, bref, que vous le sachiez ou non, là, vous allez le savoir. Parce que ce soir, c'est la 100e émission de Mélomanes au 99.1 et 88.9 CFNJ. Celebrate, Bye.

au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. happy day. Oh, happy day. Oh, a happy day. C'est à Méloman que ça se passe ce soir sur les ondes de CFNJ 99.1-88.9 où on célèbre en plus ce soir la 100e émission de Méloman. Et c'est pas rien d'ailleurs, je m'en voudrais de pas vous remercier, vous, chers auditeurs, auditrices, d'une part, Méloman à souhait et surtout ouvert d'esprit parce que Dieu sait que ça bouge beaucoup d'une émission à l'autre. Mais aussi, évidemment, gros merci d'être fidèle au poste chaque semaine pour un beau partage musical. Ça serait beaucoup plus triste si vous étiez pas là. Et d'autant plus ce soir, en cette 100e émission. D'ailleurs, c'est pour ça que le thème de la célébration a pointé le bout de son nez à quelques occasions dans notre premier bloc qui s'est terminé sur « Oh, Happy Day », une chanson qui tient ses origines d'assez loin, en fait, d'un hymne écrit par le théologien Philip Doddridge dans la deuxième moitié des années 1700, le tout sur une musique écrite par Johann Anastasius Frelinghausen en 1904, imaginez. Et tout ça va faire son chemin jusque dans les années 1960 pour être adapté dans une version d'inspiration gospel par Edwin Hawkins et ses chanteurs, les Edwin Hawkins Singers, pour être enregistré en 1967 et publié en 1968 pour devenir la version qu'on vient d'entendre. Et plusieurs d'entre vous doivent aussi connaître la fameuse version qu'on pouvait entendre dans le film Rock'n'None 2, Sister Act, qu'on écoutera peut-être un de ces quatre à l'émission. Et sinon, ben juste avant ça, on était au Brésil dans une samba slash batucada complètement endiablée. J'espère qu'on n'a pas perdu trop de monde. Qui s'appelle, pour les besoins de la cause, Celebration Suite, sortie en 1977 par Arto Moreira, une légende de la batterie et beaucoup des percussions brésiliennes, qui va travailler entre autres avec des Miles Davis et le Return to Forever de Chick Corea, duquel va aussi faire partie sa femme, d'ailleurs, Flora Purim, que certains vont surnommer la reine du jazz brésilien. Et sinon, ben encore dans le thème de la célébration avec Celebration Day de nul autre que Led Zeppelin en 1970 avec une ligne de basse que certains fans considèrent être une des meilleures de John Paul Jones, avec celle de Ramble On, bien sûr, quand même. Et c'était précédé d'un petit détour vers Hard Times de Baby Huey and the Babysitters en 1971. Baby Huey, de son vrai nom James Thomas Ramey, qui est malheureusement décédé très jeune à l'âge de 26 ans, mais dont la musique va avoir une grosse, grosse influence sur la scène rap, entre autres. Lui, le saura pas malheureusement, mais il aura même pas pu connaître la chanson qu'on a entendue juste avant, en fait, le Showdown d'Electric Light Orchestra en 1973, un groupe formé par Jeff Lynne, qui, on en a déjà parlé à quelques reprises à l'émission, faisait partie dans les années 60 d'un groupe excellent qui s'appelait The Move. Eh bien, on va arrêter d'en parler, puis on va en faire jouer prochainement à l'émission. Et sinon, ben première partie de bloc qui avait l'esprit à la fête avec Michel Fugain, le Big Bazar, bien sûr, en 1973, qui suit avec la fête et qui suivait les compositeurs de Apache, les Ventures anglais, les Shadows, groupe qui accompagnait aussi Cliff Richard, grosse, grosse vedette pré-Beatles en Angleterre. Ça a moins marché par ici, mais les Beatles étaient des gros fans. Et on les a entendus en 1961 avec tout simplement leur version de Happy Birthday to You, chanson qui daterait de 1893. Imaginez, composée par Patty Hill et Mildred J. Hill, deux sœurs. Et maintenant, une des chansons les plus connues de par le monde, surtout dans le monde anglophone, quoi qu'on la connaît très bien ici. Et qu'on a entendu ici, après une chanson que vous avez reconnue, évidemment, Celebration de Kool & The Gang en 1981, chanson qui a amorcé la soirée. Soirée qui ne fait que commencer, parce que ce soir, on fête la centième de Mélomanes au 99.1 et 88.9 CFNJ. Sang the best she'd ever sang. She could never sing any better. But Mr. Davidson never rang. She knew he would forget her. She'd seen him there and put herself to ransom. He had stared. He really was quite. She had really looked her best. She could never look any better. But she knew she'd failed the test. She knew he would forget her. Triumphant was the way she felt as she acknowledged the applause. Triumphant was the way she felt when she saw him at the dressing room door. She was happier than she'd ever been as he praised her for her grace. But his expression changed, she had seen, as he leant to kiss her face. It ended there. Deodorant had let her down. She should have used powder, oh no. It's smooth sailing with the highly successful sound of wonderful radio. C'est si bon. Oh, c'est si bon. De partir n'importe où. Oh, c'est si bon. Bras dessus, bras dessous. Oh, c'est si bon. En chantant des chansons. Si bon, si bon. C'est si bon. Oh, c'est si bon. De se dire des mots doux. Oh, c'est si bon. Des petits rien du tout. Mais qui en disent long, si bon, si bon. En voyant.

heartbeat now. No life to live, Doc says two more years. So after the laughter, I guess comes the tears. Celebrate you, so make a wish on your special day. You're looking great, so great. Come celebrate. Happy birthday from us to you. Oh, from the place, yes, from the place where dreams do come true. So here's a wish, 1, 2, 3, 4 part harmony. Happy birthday, your special day. To you, yes, to you. Au 99.1 et 88.9 CFNJ, c'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Met my love by the gasworks wall. Dream the dream by the old canal. I kiss my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. Night on fire. I smell the spring on the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture box. The fire, I'll chop you down like an old Dutch train. met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town. Des averses et des risques d'orage pour les prochaines heures dans la Naudière, minimum de 8 à 12 degrés. Averses et risques d'orage également jeudi, maximum de 12 à 16. Et vendredi nuageux, quelques risques d'averses encore une fois, maximum de 12 à 13 degrés. CFNJ 99 à 88. Et toujours en pleine 100e émission pour Mélomane ce soir sur les ondes de CFNJ, avec un bloc qui tirait un peu dans toutes les directions pour s'achever en Irlande. Et ça m'a rappelé que c'est un pays qu'on devrait visiter un peu plus souvent à l'émission. Et là, je parle pas de sonorité plus typiquement... Je parle plutôt de sonorité plus typiquement irlandaise, pas de Van Morrison, Cranberries ou U2, etc. Bref, là, c'est les Pogues qu'on a entendus. Un groupe qui va avoir une grosse, grosse influence sur tout ce qui va s'appeler punk celtique. Les premiers noms qui nous viennent à l'esprit, c'est parfois des groupes comme les Dropkick Murphys, Flogging Molly et compagnie. Mais sans les Pogues, il n'y aurait peut-être jamais existé ces groupes-là, parce que les Pogues, c'est en 1985 qu'on les a entendus avec leur classique Dirty Old Town, qui suivait le français Julien Neal, qui se spécialise dans l'art du barbershop quartet, un style d'arrangement qui est encore très populaire aux États-Unis, qui a pour but de faire résonner le plus possible les voix, le plus souvent des voix d'hommes, avec le plus d'accords de dominantes possible, et qui est presque toujours arrangé de la même manière, basse, baryton, lead et ténor, contrairement au chant choral classique, où le lead, la voix principale, la mélodie, va souvent être en haut. Mais bref, bon, trêve de théorie, c'est pour ceux qui s'intéressent, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Julien Neal ici le fait très bien, et on l'a entendu en 2012 avec Happy Birthday, encore une petite référence à la 100e qu'on fête ce soir, bien sûr, Happy Birthday qui faisait originellement partie du répertoire, des Dapper Dans, un barbershop quartet qui sévit au Disneyland de Californie depuis 1959. Donc, ça appartient à leur répertoire originalement. Et juste avant ça, ben, on était complètement ailleurs avec le Wu-Tang Clan, avec un extrait du légendaire 36 Chambers, Enter the Wu-Tang, qui mélange le kung-fu au rap. Et on pourrait se demander pourquoi, mais semblerait que quand on est un jeune afro-américain qui grandit dans les années 70-80, ben, les héros de films afro-américains à qui s'identifier pleuvent pas à l'époque. Ça commence à s'améliorer, mais d'ailleurs, on en parle souvent. Mais les seuls héros qui sont pas des Blancs, ben, c'était souvent des Chinois dans les films de kung-fu. Et ça, c'était cool, c'était badass. Donc, c'est une des choses qui explique le Wu-Tang qu'on a entendu avec Tears en 1993. Une chanson basée, entre autres, sur « After Laughter Comes Tears » de Wendy Renee, qui l'a enregistrée chez Stax en 1964, un label dont on a abondamment parlé dans notre spécial Stax il n'y a pas si longtemps. Et tout ça qui suivait, qui d'autre que Yves Montand avec sa version de 1964, parce qu'il y en a deux, de ces si bons chansons qui ne se gênera pas pour devenir un standard de jazz dans les années qui vont suivre, et qui était précédé ici par une excellente chanson qu'on n'entend pas assez souvent, d'un excellent album dont on parle pas assez non plus. Premier album concept pour The Who en 1967, l'album Sell Out, duquel on a entendu Odorono, une espèce de fausse pub qui faisait justement partie du concept de l'album en question, sorti juste avant le fameux Tommy de 1969, qui sera le premier opéra rock de l'histoire de la musique. Et nous, ben, c'est ce qui nous ramène en musique en cette 100e émission de Méloman au 99.1 et au 88.9 CFNJ. As funky as you can, slow. Come on up, you say, 'cause you can feel your love coming down. I find myself rushing over to do something for your love. Yeah.

cut me. You've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Don't leave me. You've taken my love. You now desert me. Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Thank you. Bye-bye. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. en plein Méloman. 100e émission pour Méloman ce soir sur les ondes de CFNJ 99.1, 88.9. Et on fête ça en grand avec un grand génie de la musique pop de la deuxième moitié du 20e siècle et qui est encore vivant, mais pourtant encore relativement méconnu sans l'être tout à fait. On a entendu M. Brian Wilson avec une pièce a cappella sublime qui n'est pas sans rappeler la polyphonie très chromatique de la Renaissance, une pièce très complexe, mais surtout très émouvante, composée par un gars complètement autodidacte qui n'avait aucune formation musicale et sourd d'une oreille en plus. Brian Wilson, tout le monde le connaît parce que c'est lui qui a composé pas mal tous les hits que vous connaissez des Beach Boys. Ce qu'on sait un peu moins, par contre, c'est qu'à partir de 1965-66, Brian Wilson va se fatiguer un peu des chansons qui parlent de surf et de voitures hot rod basées sur les vieux codes musicaux du rock and roll. Et il va décider, pendant que ses frères et son cousin, les Beach Boys, vont partir en tournée, de rester, lui, en studio. Et c'est là qu'il va commencer à innover sérieusement. Il va tout d'abord se servir du studio comme d'un instrument, chose complètement nouvelle pour l'époque, utiliser toutes sortes d'instruments inusités aussi jamais entendus jusqu'alors dans un cadre pop, des harmonicas basses, des thérémines où on joue avec les ondes, etc. Bref, ça va donner un album complètement nouveau, Pet Sounds, que plusieurs disent être le tout premier album concept de l'histoire du rock, album dont Marc-Hugo Dupré et Yves-Marie Leclerc ont parlé hier, d'ailleurs aux égarés de la bande, soit dit en passant, émission diffusée sur les ondes de CFNJ les mardis de 22h à minuit. Mais bref, l'histoire est plus longue que ça, mais pour faire une histoire courte, c'est un album qui va avoir une grosse influence sur Paul McCartney, entre autres, et les Beatles vont répliquer avec Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band un an plus tard, qui va être une révolution à lui tout seul. Et ça, ben, ça va mettre de la pression à Brian Wilson, qui préparait lui aussi son Sgt. Pepper's, si on peut dire, sa Teenage Symphony to God, qui était pour s'intituler tout simplement Smile. Et malheureusement, l'abus de drogue et surtout des problèmes graves de maladie mentale vont avoir raison de lui, et l'album sortira jamais, même si la promo allait bon train et que même les pochettes étaient déjà imprimées. Donc, ça va devenir le plus grand album de l'histoire du rock à ne jamais être sorti, une espèce de mythe de l'histoire du rock. Qu'est-ce qui serait arrivé si Brian avait sorti Smile, etc., etc. Mais tout ça a changé en réalité en 2004, quand, contre toute attente, Brian sort finalement Smile. Et croyez-moi, c'était pas trop peu trop tard, parce que c'est la magnifique introduction de Smile qu'on a entendu ici, qui s'appelle Our Prayer. Mais bref, c'est vraiment une histoire très riche et très intéressante que je vous invite à découvrir si ça vous intéresse, parce que de la belle musique comme ça, il y en a plein, ces albums. Mais nous, on a entendu d'autres choses dans ce magnifique bloc, comme les Pixies avec leur plus gros hit Where Is My Mind, qui surprend toujours par son son très années 90, surtout quand on sait que c'est sorti en 1988. Pas besoin de vous dire que les Pixies étaient en avance sur leur temps et qu'ils vont avoir une grosse influence sur un paquet de groupes qui allait venir. Et sinon, ben juste avant, on parlait de Sgt. Pepper's à l'instant, ben on en a entendu la légendaire conclusion, A Day in the Life 1967, que certains diront être la dernière grande collaboration entre Lennon et McCartney. Ça se discute, il y a quand même eu autre chose vers la fin, mais quand même, vraiment, l'idée, c'est que c'est assez évident qu'il y a une partie Lennon et une partie McCartney, qu'on a entendu juste après un petit détour au Mali avec les magnifiques Amadou et Mariam, ceux qui étaient surnommés le couple aveugle du Mali parce qu'ils sont tous les deux non-voyants. On les a entendus en 2008 avec la très belle Sabali, qui était précédée, elle, par une formation qui, on a pu l'entendre, avait quand même les oreilles grandes ouvertes quand les Beatles et Brian Wilson ont sorti leur chef-d'œuvre dont on vient de parler. Les harmonies vocales étaient au rendez-vous, on pourrait dire, quand même, avec Queen, que vous avez sûrement reconnu avec deux chansons pour le prix d'une. Que voulez-vous, j'étais pas capable de les séparer, parce que c'est comme ça qu'elles suivent si naturellement sur le masterpiece A Night at the Opera de 1975. On a entendu The Prophet's Song, suivi de Love of My Life, qui elle-même suivait un extrait d'un autre chef-d'œuvre, d'un autre genre complètement, soit Songs in the Key of Life, le seul et unique Stevie Wonder avec All Day Soccer de 1976. Mais on a encore de la musique qui s'en vient. Et des fois, Mélomane, ça a aussi été les radios pirates, pour ceux qui connaissent. Donc, on va y aller un petit peu sauce radio pirate en début de bloc pour, dois-je le rappeler, la 100e de Mélomane ce soir au 99.1 et au 88.9 CFNJ. Supplying there anyway. Said I only wanted well-behaved boys. Do they think guitars and microphones are just fucking toys? Fuck 'em, trying to make my stand against what I feel is wrong with this land. Just sit there on their overfed asses, feeding off the sweat of less fortunate class. Did they fucking power, cut their fingers on a button. Got control, won't let it be forgotten. Just do your rap and do it proud. Gonna fucking nerds up to the defense. Six men defense is tough to swear to straight. Protection for the privilege that I had any late. Government protecting their province on the phone. Here to the fortune of shining on the dome. Find that a paper might ask a little more. And the shit they get, shit they get, shit they get, shit they get, shit they get, shit they get, shit they get, shit they get. Defense, shit. It's nothing else to war. And I'm up on a government, knows what the fuck is for. Oh yes, I say it's defense, say it's decency. But I hear Russia, know what I mean. Say fucking lies with impressive frequency. Say we had to do it, keep our lives clean. Who's the lie? Who's fucking lies? Who the fuck are they talking to? Who's the lie? Who's fucking lies? Show you one thing, it ain't me. Systems crash everywhere. School, army, church, corporation deal. That's a reality, fights to fear. Fucking conspiracy has done you feeling real. Wrong end of me, say they fucking run. I can't really live on that farm, got me some. Head from the rock, see, okay. Never mind supplying it anyway. Go! Il y avait moi, c'est-à-dire Julien, et mes trois droguises. Nous étions installés au Korova Milk Bar, à nous creuser le rassoudoc pour savoir où passer la soirée. Au Korova, on sert du lait plus Vélo 7, ou Sintemesque, ou Drink Round. Nous, on en était au Drink Round. Ça vous affûte l'esprit et ça vous met en train pour une bonne petite fête d'ultra-violence. Tiki-tek. Le pouvoir du crâne ancestral, la nature reprend ses droits. Dès qu'il attaque par le chat, soudain la réussite lui tend les bras. Le film de ma vie bientôt dans les salles, le doyen du rap païen. Dieu est dans cet arbre, je n'en sais pas assez sur ce qui se passe dans mon encéphale. Je n'ose pas y penser tellement c'est grave. Certains se droguent pour entreprendre de grands exploits. Je n'ai besoin que de regarder la pleine lune dans un ciel sans étoiles. À côté de moi, les autres MC ont l'écriture trop scolaire. Je les piétine, j'ai l'eau scolaire comme totem. Le plan en l'air, les larmes aux yeux sous le tonnerre. Quand t'es qui t'exénère, c'est le ciel qui pique une grosse colère. Faut compter avec moi si ça te pose problème. Disparais-moi dans ce que j'ai à dire, y'a des choses trop belles. La vie a fait de moi un héros moderne. À mes funérailles, le thème de Scarface va moroder. Orange mécanique pour ma résurrection. J'ai perdu toutes mes illusions depuis ma crucifixion. Et je me pose même plus de questions, à peine responsable de mes actes. Mes yeux pleurent des larmes de métal. Et toutes les prédictions disaient que t'es qui t'exénère. J'ai aiguisé mes armes, prenez garde. Il suffit d'un regard et mes fidèles se soulèvent. Ton attitude n'avait pas du tout l'air de nous plaire. Et tout autour de moi ça saigne, les rivières deviennent rouges de haine. Il n'y a pas que de l'amour sous cette épaisse couche de chair. Le visage lourd de peine, j'ordonne aux jeunes de faire la fête. Qu'ils meurent tous un par un, c'est tout ce que je pose dans ma tête. Vivement le silence dans ma tête. Que je n'entende plus que mes démons manigances sans arrêt. On sait ce que les docteurs Jekyll engendrent en cachette. Le gentil qui n'a pas la violence dans la tête.

and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you'll just smile. Time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Et c'est toujours à Méloman que ça se passe ce soir sur les ondes de CFNJ 99.1, 88.9. Centième émission pour Méloman et un bloc qui se termine sur une chanson intemporelle dont on a grandement besoin en ces temps difficiles, à mon humble avis. On a entendu nul autre que Nat King Cole, qui a été le premier à populariser la version avec parole de la chanson Smile. La chanson et non pas l'album dont on parlait tantôt, et ce, en 1954. Mais ce qu'on sait moins, même si beaucoup connaissent cette mélodie-là, évidemment, c'est que c'est une composition de la légende du cinéma Charlie Chaplin, qui, semblerait-il, avait tous les talents, et ça donnait aussi à la composition musicale dans ses temps libres. Donc, on a pu entendre pour la première fois la mélodie de Smile dans son très célèbre film « Les temps modernes »,« Modern Times », en 1936. Mais il va falloir attendre 1954 pour entendre la première fois la version avec paroles, toujours écrite par Charlie Chaplin, soit dit en passant, que Nat King Cole va avoir l'honneur d'être le tout premier à enregistrer et qu'on a entendu ici juste après une chanson beaucoup plus récente, mais qui, elle aussi, évoque une certaine forme d'espoir qui nous exhorte à ne pas oublier de s'aimer un peu les uns les autres, encore une fois. Pas une si mauvaise chose à se rappeler. On a entendu Alex Ebert en version solo, parce qu'on le connaît beaucoup plus pour son groupe Edward Sharp and the Magnetic Zeros, avec ici la magnifique Truth, sortie en 2011. Et en début de bloc, sur un fond d'orange mécanique, un texte incroyable de quelqu'un que certains d'entre vous ont peut-être connu sous le nom de Tequila Tex au sein du fameux groupe de rap français surréaliste TTC. Mais en 2009, il se fait désormais appeler Tequi Tech de son vrai nom, Julien Praderol, et on l'a entendu avec la très intense Agent Orange d'un album complètement unique et surprenant que je vous encourage évidemment à découvrir si ça vous intéresse et qui s'appelle « Mes pelures sont plus belles que vos fruits ». Déjà, ça vous donne un peu le ton de l'album. Et sinon, ben, tout ça amorcé par un groupe de punk UK, vague originale, très en avance sur son temps, féministe, revendicateur, vegan, qui parlait d'économie d'énergie en 1977 et qui prônait la vraie anarchie de Pierre-Joseph Proudhon sans prôner la violence comme certains autres groupes qui ont peut-être pu un peu être plus impertinents, disons. Bref, un groupe très intelligent. On a entendu Crass avec Band from the Rock Sea de 1978. Parce que l'esprit punk, c'est aussi important des fois pour nous brasser la cage un peu. Et sur ce, ben, je vous remercie du fond du cœur d'être fidèle à l'émission, qu'on puisse partager cette passion qu'on a en commun, la plus belle, la musique. Merci beaucoup d'avoir été là pour cette 100e émission. Mais il y en aura d'autres. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 20h. Et d'ici là, ben, je vous souhaite une bonne nuit à l'antenne du 99.1 et 88.9 CFNJ. Drôle de vie, jour difficile, je suis à tomber par terre. Plus de nerfs, je veux tout lancer en l'air, tout abandonner. Mes projets, même les plus chers, me sont nuls à mourir. Plus rien ne sait me retenir, ne sait me satisfaire. Je ne me reconnais plus quand le monstre ordinaire. Mais quand je roule à vélo, la tête dans les étoiles et dans le vide, et doux, j'hallucine. Je roule à vélo, la nuit est claire, le chemin désert. Je suis invincible. Je file sous les constellations sans faire trop attention. Et si ça se trouve, je ne rêve à rien. Et si ça se trouve, pire, je ne rêve à personne. Voilà pour les êtres, voilà pour les choses. Yeah.